tambolaka la terre tourne ngo mapele mbonge ya mabala ekopanzana na mopepe ya loyenge na kati ya Kinshasa mabala ya bomwana ebimisa bana babomaka te tika nikosilisa maloba nakoswa na o bokozwa rien asali yo nini bomonaki mpasi elongo bimi mingi ye tika ni bato babe na ndoto likabo ya bala fami bakotaka te bokomema ndengambo e bakobunda etumba na mbeli ya malemba e